Dieu a appelé Adam. Mungu alita Adam. C'est lui qui était le conducteur. C'est lui qui était le pasteur. Adam, où est-il? Adam, où est-il? Adam est allé se cacher. Adam alienda kujificha. Sous les arbres. Chini ya miti. Avec Eve. Na Hawa. Pourquoi? Jua nini? Ils ont dit, nous nous sommes cachés devant la femme parce que nous sommes nés. Tu lui fais ta mambe là où soit, que Dieu te coûte tout pour. Qui t'a dit que tu es né? Non, elle connaissait ce coûte tout pour. Tu as mangé l'arbre. Tu voulais kumuti. Non, je t'avais dit de ne pas manger. Elle connaissait ce coûte l'écho. L'homme a toujours cherché des raisons. Mutu kila mara anapenda kutafuta matirio. La femme qui tu m'as donné. Mwanamke ulinipatia. Frère, l'homme cherche toujours des échappatoires. C'est la femme que tu m'as donnée. J'ai dit, c'est pas possible. Vous savez, frère, quand Dieu a créé Eve, Adam était là, Adam sous l'anesthésie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Voici cette fois-ci, celle qui cherche de ma chair. Oh, ce n'est on l'appellera pas. Et directement, il a donné le nom. Mais maintenant, le langage change. Mais la femme que tu m'as donnée. C'est pourquoi, depuis ce jour-là, Dieu ne s'engage pas dans les problèmes des choix. Fais ton choix toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire ton choix. Alors, frère, le péché, Zambi, elle nous éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam est allé se cacher. Adam a l'air de la femme. Nous la présentons. Nous sommes nés. Nous sommes nés. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Mais pourquoi? Quand on est dans le péché, tu peux prier. Prier. Dieu n'exaucera jamais jusqu'à ce que tu dois te mettre en ordre. Répassez-vous. Alléluia. Amen. Dieu ne veut garder pas les péchés non confessés. Adam. Adam. La Bible dit, bien vers le soir, la voix retentit. Adam, Adam, où es-tu? Mon frère, ma sœur, maintenant c'est notre tour. Cette même voix qui a appelé Adam. Aujourd'hui, la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Aujourd'hui, dans cet instant, cette même voix, c'est ce qui nous appelle, c'est ce qui nous appelle pour venir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous sommes au temps du soir. Dieu n'aime pas que ses enfants puissent vivre dans le péché. Il nous a appelés. Il nous appelle. Maintenant nous devons abandonner tout ce qui est côté là la parole de Dieu. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Frère. Dans ce temps de la fin, il y a un lieu de rendez-vous. Vous devez être quelque part selon la volonté de Dieu. Les disciples ont posé la question au Seigneur. Seigneur, vous parlez du temps de la fin. Il a venu du fils de l'homme. Mais où sera ce fils de l'homme? Où sera ce Seigneur?

Ah, Noé était là. Noé alikuwa mule. Sa femme. Ses enfants. Batoto yake. Et les femmes. Na babili yake. Ils étaient là. Balikuwa mule. En sécurité. Katika ukingo. Les lions étaient là. Simba alikuwa mule. La brebis, le brebis était là. Ndo alikuwa mule. Les léopards étaient là. Duku alikuwa mule. Le chèvre était là. Mbuzi alikuwa mule. Et il y avait du calme. Na mulikuwa ni salama kimya nduku. Même les animaux ata banyama ont compris balelewa que il y a un jugement à l'extérieur. Frère, Duku. Les animaux entendent la parole de Dieu. Banyama banasikia neno la Mungu. Amen. Amen. Frère, Duku. Ce n'est pas Noé Aina Noah. Qui est allé prendre les léopards. Les lions venaient. Non. Noé a prêché seulement la parole. Noé a prêché la parole. Et les animaux d'eux-mêmes se précipitaient pour venir entrer dans l'arche. Parce qu'ils savaient, ils avaient compris, il y aura un jugement. Et c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les élites, sont dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, en Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ nous sommes en sécurité. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons arriver à comprendre que nous sommes dans l'âge, nous sommes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Et dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de tiraillement. Amen. Amen. Il n'y a pas de désordre. Le lion était là. Pale. Avec sa femelle. Na diki wake. Et le mâle devait dire. Na mduma alipasha kusema. Chérie. Bibi yangu. Comme tu es là. Savez-vous pale. Encore tu as laissé des petits là-bas. Na ulete watoto pale. Je sais que toi as prié d'avoir donné des petits. Si tu deviens tu l'aimes méchant. Unakuwa kwa makari makari. Le lapin ne peut pas passer. Anula wezi kupita. Attention, attention, sopoka, attention. Sopoka, ici, umu, c'est une. On va te faire sortir. Et tu vois ce qui se passe là-bas. Tu vas aller à vallée de l'eau. Et tu vas mourir. Et la femelle du lion était là. Wa Simba, alikuwa pale. Frère, Duku. Mais comment un animal doit comprendre la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu, amri ya Mungu. Mais pendant que les hommes, wakati le bantu, un animal nyama, n'a pas d'âme, anana nafsi. Un animal nyama, a seulement ce qu'on appelle l'instinct. Mais avec cet instinct, il respecte la parole de Dieu, la Mungu. Il est resté à la position dont Dieu l'a créé. La nuit depuis le commencement. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu a beaucoup de détours. Et frère Branham a dit, j'ai beaucoup regretté quand j'ai lu cette citation. Dieu éprouve des difficultés pour ramener l'homme à sa position originale. L'homme est devenu trop compliqué. C'est ce que nous voyons. Des frères, des sœurs qui prétendent accepter le message. Mais quand vous regardez la vie, ça, maisha, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Les animaux étaient là. Ils savaient. À l'extérieur, il y a un jugement. Ils sont restés calmes. C'est la même chose pour nous. Quand nous venons ici, quand nous confessons qu'on est fils et fille de Dieu, nous devons faire voir au monde que nous avons la vérité. Alléluia. Amen. Frère Franck dit, la vérité, on ne le prêche pas seulement. La vérité, on n'en parle pas seulement. Mais la vérité, nous devons le vivre. Pour

Psaume 16, verset 8. Zaburi 16, mstari ya 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Niko na milele kila mara mbele ya macho yangu. Quand il est à ma droite. Kwani yeko kuume yangu. Je ne chancelle pas. Sitenketenke hapana. Amen. Amen. J'ai l'Éternel sous mes yeux. Niko na milele mbele ya macho yangu. Vous savez? Unajua? Toutes les fois. Ma wakati yote. Qu'un enfant de Dieu est dans le péché, cette même voix-là, Adam, où es-tu? Amen. Écoutez, prenons par exemple, un homme arrive au champ, là, à la forêt, il regarde, ah, ça c'est un régime de bananes. Ah, en tout cas, j'en ai besoin. Ah, naitaji, je ne sais pas le propriétaire s'il est là. C'est ce que font les voleurs. Il doit regarder, ah, il n'y a personne. Il coupe. Anakata. Lui, yeye, regarde le propriétaire, les gens. Mbatu. C'est comme ça. Même les enfants dans la maison. Ils veulent prendre quelque chose. Et regardez, est-ce que maman est là? Papa est là? Est-ce que le grand-père est là? Il n'y a personne. Il prend. Mais David dit, j'ai l'Éternel sous mes yeux. C'est-à-dire, partout où tu es, tu vois l'Éternel. Dieu est là. Amen. Et la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont partout. Proverbe chapitre 15, verset 3. Regardant le bon et le mauvais. C'est-à-dire, un chrétien, partout où tu es, à n'importe quel moment, l'ange de l'Éternel est là. Il te regarde. Est-ce que quand un voleur vient, il voit que le propriétaire de la chose est là? Il doit prendre. Il va commencer des causeries. Il commence la causerie. Ah, vous savez, monsieur, il est en train d'étudier comment. Comment il va faire pour venir arracher à ravi? Ah, c'est comme ça. Parce que le propriétaire est là. Et c'est comme ça avec un chrétien. Incroyable. Qui est baptisé du Saint-Esprit. Né de nouveau. Lui ne regarde pas que peut-être quelqu'un me regarde. Non. Lui, il voit Dieu. Amen. Parce que Dieu voit partout. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Tu es encore dans le péché. Tu es encore dans l'adultère. Tu es encore dans l'escroquerie. Mon frère, ma sœur, la même voix qui a crié au jardin de l'Éden. Adam, où es-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même voix encore qui crie aujourd'hui. Où es-tu? Et la Bible dit, aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Quand vous entendez la parole de Dieu, renoncez à tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Venez dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous lisons dans la prédication, Paul prisonnier de Christ, Paulo, mufunga wa Christo, 17 juillet 1963. Nous sommes au paragraphe 46. De quel côté seriez-vous tenu? De quel côté seriez-vous tenu? Par exemple, si tu étais au temps de Noé, est-ce que tu devais accepter le message de Noé? Si tu étais au temps de Moïse, tu devais accepter le message de Moïse? Si tu étais au temps de Jean-Baptiste, tu devais accepter le message de Jean-Baptiste? Alléluia!